Skyrock, Rise Supreme. C'est DJ Case. Et c'est les vacances et c'est DJ Case, comme d'hab au contrôle, comme chaque dimanche soir entre minuit et 1h du mat. Comment ça va? Ça va, super. En pleine forme? Eh oui, en pleine période du ramadan. Bah ouais, tout se passe bien. Très très bien. Bon, on va mettre un petit peu de son pendant une heure. Eh oui, on va amener du soleil. Amener un petit peu de soleil, histoire de profiter des nouveautés, des classiques. Et on informe toujours tout le monde que l'album sort le 25 août. Eh oui, Paris, Oran, New York, ça approche. C'est ça, il sera en précommande d'ailleurs cette semaine, et durant tout l'été, et vous pourrez vous le procurer en fin d'été, le 25 août. Donc allez-y, guettez les réseaux sociaux, c'est notamment ceux de DJ Case qui vous annoncera que les précos sont en route pour Paris, Oran, New York. On retrouve notamment du swag et puis tellement d'autres maintenant. Exactement. D'autres morceaux qu'on va découvrir ce soir ou... Oui. D'accord, tu es bien mystérieux, Case. Eh ben on y va, coup d'envoi. Tu sais qu'on improvise et en même temps on met on a une trame et en même temps on improvise, donc on va voir. Allez, c'est parti. Tous les dimanches, une heure de son 100% rave avec DJ Case sur Skyrock. C'est Rave Suprême. Ah bon, c'est comme ça. Mais t'as aïni 113 d'Aliané. C'est bon. Écoute. Et un babour, y'a mon amour. Khrajni m'la Californie, on fumait 350 Benji sur les bords de la corniche. Habchini, Merli, j'ai rien à perdre. Rien qu'à le malade mental, plus connu que le hedge, je m'en bats. Je voudrais passer les aînés à ma bien-aimée avant que je taille. Comme Chad Hesney, je suis sentimental. Partir loin, rien à perdre, flipos, pas nous lâcher pas. Laissez-moi de toi, comme Robinson sur une île. Mon mouton, je l'appellerai mercredi. Et dès que l'avion atterrit, j'applaudis. Comme les Chibeni, jouera la carte résidence. Un moment d'évasion, Yahmar, laisse-toi et danse. Sans fait plaisir. Et un babour, y a mon amour. Khrajni m'a la misère. Je t'annonce, amène-moi loin de la misère, mon plus fidèle compagnon. En route pour l'Eldorado, même en classe c'est con, dis le sac à dos. Partir loin, sans les cousins, les placards, c'est dur. Je me considère chanceux d'être en vie, pourvu que ça dure. J'ai grandi qu'avec des voleurs, j'aurai toujours les you-you qui résonnent dans ma tête à la quête du bonheur. C'est le son qui blesse, invite les filles à nous danser la field dance. Oublie tes calmes. Au bar c'est OL et Mohamed Lamine. Savent devant qui est cancer. Monde au Zoulou des sincères, tant qu'à faire. Monde un libéral qui sincère. Légendaire, pour les gens durs. Je suis ce que j'en dure. En temps de terre, il porte un string dans mon flingue, c'est un joueur en dur. J'attends mon steak ligoté à l'assiette. La France c'est pas la fête, tous une délire à la base de la tête. On rejoue pas le gaïd, on crame l'air. Des millions de la tour est belle, on a pas le shade. Sortout sous sol rabat, cet été je t'en bas. Ça fait longtemps qu'on a barré, maintenant les affaires sortent là-bas. Le bled là a son prix, moi je crois que t'as pas compris. Ça fait 10 ans mon frère, ils vont tous croire que je suis sorti, ils ont pris. On a un livre photo, notre musique on la porte. De l'usine on la porte, pas d'élan à fond qui dans la porte. Maghreb, United, c'est que chez nous y'a d'abus. Si tu sais pas t'abus, je te raconterai ma dernière carte à vue. La France ne voulait pas, même qu'elle a longtemps hésité. Ils confondent dans ma cité, fondant la laïcité. Frère, je te dis qu'on a le livre en mode normo. 9-3-5-B, just a year, pick up big bro. La vie de rêve, frère, on attend toujours qu'elle s'amène. J'ai l'inspiration, la rime, le son dur, ça s'amène. Kerry l'a dit, j'en fais slogan sur ma devanture. Bouillou la Paris, c'est pas une vie, c'est une aventure. On dédicace le cifre, pourquoi ça gêne ça? On a un chien, on a le nif, demande à Kenza. On mise sur futur visionnaire, missionnaire. J'ai pas la fierté, je remplace le mot dans dictionnaire. Le bled et son histoire, j'en vais te la réciter. On est tous excités comme si on venait de la même cité. On dort plus à Paris, cousin, laisse-nous un peu de sommeil. Le ciel est gris, on a la pluie, jette-nous un peu de soleil. On vient tous du même point, dis-moi comment on peut se trahir, comment on peut s'haïr. 9-3, t'as rien qu'à s'haïr. Hey, matin. Suprême en direct sur Skyrock. Case au contrôle de Rail Suprême comme chaque dimanche soir. Case, ça va, on ça va. On écoute encore plein de gros sons. Eh oui, premier beau quart d'heure. Ouais. Top avec Partir Loin de Rimka et Reda Taliani. On s'est remis un classique, Bienvenue chez les Bilka. Sofiane et Younes, Jalal Hamdaoui et encore Rimka. Sans oublier Mohamed Lamine et Olkari. Voilà, et puis d'autres morceaux aussi encore à découvrir dans la deuxième session de Rail Suprême comme chaque dimanche soir. Eh oui. Avec DJ Case, on y va, on attaque tout de suite, t'es chaud? Direct, bah oui. Allez, go. Yeah.

Il dit qu'il a beaucoup changé, même si il m'a trahi et qu'il est prêt à se venger. Mais je n'ai pas envie. Passer ma vie à me demander si c'est vraiment fini parmi tous ceux qui ont compté. Pourquoi je l'ai choisi? خليك على طول قصاد عيني وربيني وقت يا ويلي ويلي شافو حكومة راهي تحقر بزاف الناس ضيقو لا ما عندكش الزهر صبر شوية تلقى خدمة مكاش قدام الحيط في الليل وصباح خيونة وخدامة سلام وبسلامة قاع يعمرو راسهم بالسلعة جاية مدامة ويا الغربة صعيب قاصدنا شوية كل شي مكتوب غدوة بارح واليوم خويا عارف كل شي مكتوب الوقت يفوت شوفش غي قدام غامض عيني قطيقة تكبر كلي فوت عام لا يهدينا الكبار وصغار ولا والجنون دعوة تبدلت مشي كيف كيف بارح واليوم زايد هنا بالقواعد قالوا لي روح قالوا لي علاش تتمسلم وعلاش تصوم جزائري تاع الصح صاحبي كيرا زهواني كيما بلا حدود اليوم غير هار خويا الغربة صعيبة صدمنا شوية كل شي مكتوب غدوة بارح واليوم خويا عارف كل شي مكتوب Take the name and 504 break chargé. Allez, montez les neveux. Juste un instant que je mette sur le toit. La croûte 504 break chargé. Allez, montez les neveux. Juste un instant que je mette sur le toit. La croûte 504 break chargé. Allez, montez les neveux. Juste un instant que je mette sur le toit. La grosse malle bleue, nombreux comme une équipe de foot. Voiture à ras du sol. On est les derniers locataires qui décollent. Le plein gasoil et gazouche pour pas flancher. Bilen, la PCR. Le temps que je fasse mon petit marché. Direction le port, toujours le pied sur le plancher. Jusqu'à Marseille avec la voiture un peu penchée. Plus 24 heures de bateau, je sais, c'est pas un cadeau. Mais qu'est-ce que je vais kiffer sur la place Gido? Avec Jaya City, du haut de ma montagne. Avant de rentrer feu de je fais un petit détour par Warlan. Vu qu'à Paris, j'ai des valisiers. Warlan. Vu qu'à Paris, j'ai des valisiers tout à tis. Je vais rassasier tout le village, même les plus petits. Du tissu et des bijoux pour les jeunes mariés. Et des jouets en pagaille pour les nouveau-nés. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. J'habille les maths avec mon zinc et son derbouka dans la main. Un verre de Selecto, imitation coca. Une couche de Zizitoun sur le corps et sur les bras. Avec mon poste sur un fond de Zerwania. On parle de tout et de rien. Des Nike Air au Visa, de la traversée du désert au couscous de Yema. Et mon cousin me dit Karim, kiff le zetla. Il était tellement bon que j'ai jeté mon cirage en rat. Avec deux trois blédards, on tape la discussion. Mahmoud peut pas s'empêcher de dire que je suis dans la chanson. L'un peu me dit moi je t'ai pas vu cette télévision. Et l'autre me demande Sahat Araf Michael Jackson. Il parle trop vite et en argot de blédard. Je sais ce qu'il ferait pour une poignée de dinars, connard. Le soleil se couche et tout le monde rentre chez soi. C'est l'heure du repas et du latte. D'autres la chicha. J'ai passé un bon mois dans ce qu'on appelle le tiers-monde. Et si j'avais assez d'oseille, j'emmènerais tout le monde. Mais je peux pas fermer les yeux sur ce qui se passe vraiment. Des 10 morceaux ont disparu aux enfants et aux mamans. Et je suis rentré à la cité, Arbeya. Content de revoir mes potos et ma chèpe. Pendant deux semaines, j'ai mangé que de la charba. J'irai finir mes jours là-bas. Inch'Allah, rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors, dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors, dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Rail suprême, rail suprême. Avec DJ K sur Skyrock. Lelela. Qu'est-ce que j'aime ce morceau. Qu'est-ce qu'il est toujours bon d'entendre ce morceau de Rimka. Très grand classique. Le tonton du bled. Tonton du bled, on s'est mis une bonne session Stifi Shawi, donc folklore algérien qui bouge beaucoup dans les mariages. Chem Mami Ezaou Alili. Ouais, Alili. El Matador Mektoub. On s'est mis Khalas, Erania Dawar Dawar et on s'est terminé avec Rimka. Avec Rimka là. Du 113 à l'instant tonton pour tonton du. D'ailleurs, peut-être bonne route à ceux qui nous écoutent, qui ont pris la route là. Oui, y en a dans la 504 break chargée. De jour en jour, il y en a qui partent. Voilà, donc bonnes vacances à tout le monde. Profitez bien des proches, de la famille et tout. Le son de Rail Suprême avec DJ Case va revenir dans un instant, puisque la bonne nouvelle, vous le savez, l'émission cartonne, fait un véritable carton le dimanche soir. On le voit à travers les tweets. Là. Et on le voit maintenant parce qu'on a de la pub. Donc voilà, ce qui est plutôt une bonne chose. Hein. Bon, il n'y en a pas beaucoup, vous inquiétez pas, un tout petit peu de pub et on va revenir dans un instant. DJ Case, qu'est-ce qu'on pourra écouter par exemple? On va s'écouter du swag. Du swag ouais. Mais ça me rappelle quelque chose, dis donc, ce morceau, il serait pas sur Paris ou en New York. C'est ça. Qui sort le 25 août. C'est ça, et qui sera en précommande cette semaine. Et qui sera en précommande cette semaine. Voilà, on va se faire fêter du swag et plein d'autres morceaux du projet dans le troisième quart d'heure. Et bah bougez pas, c'est le branché. Retour de Rail Suprême, c'est après ça. Skyrock, Rail Suprême, c'est DJ Case, DJ Case. Appel à toutes les unités, collision entre deux véhicules sur la D42 à proximité de la discothèque. Il y aurait deux victimes décédées, âge 20-25 ans. Le passager arrière présente une lésion du rachis cervical et fracture ouverte au fémur. Ici unité mobile médicale hospitalière 04, on prend le départ. Tous les deux jours, un jeune entre 18 et 24 ans se tue sur la route à cause de l'alcool. Un accident mortel sur deux a lieu la nuit. Sécurité routière, tous responsables. Toute cette semaine. Toute cette semaine. Yeah, yeah, yeah, check it out. Skyrock t'offre le meilleur de Planet Rap 2014 avec tous les moments les plus forts de l'année. On a envie de se poser avec lui, de s'allumer un gros d'écouter du Bob Marley. Chaque soir, viens retrouver les plus beaux lives. Je suis freestyle. Mon shot, mon refrain. Et tous les moments immanquables de l'année. Merci Kev d'avoir été avec nous. Je vous big up les potos, je vous kiffe à mort. Le meilleur de Planet Rap 2014. Meilleur. Ok. C'est enfin l'occasion. Enfin l'occasion de te faire ou te refaire les meilleurs moments de l'émission rap de référence. Et c'est toute cette semaine, juste avant 20h sur Skyrock. Planète Rap te souhaite de bonnes vacances avec Skyrock. Tous les dimanches, une heure de son. Je sais pas si tu remarques, mais c'est évident qu'il faut du soir. Mario en New York, je suis pas dans le camp. Ça fait pas comme un sport, yeah. Ça prend des piges et des piges. J'ai essayé. Il n'y a pas d'avoir de la sable ou bien de la marque. Je sais pas si tu remarques, mais c'est évident qu'il faut du soir. Du soir. Demande à Skalpovic, trop de Lucie. J'kick ça de vie, prends mon Yeezy. Tu veux du swag, il te montre ce truc qui fait que soudain tu te démarques. On se fait pas remarquer, on est remarquable. Faut le dire, personne nous rattrape. Swag et même mon prestige reste. Et ça me merci, passon. Trop de compliments, pourtant j'allais juste pisser. J'ai tissé ma toile comme piqué. L'expliquer c'est trop compliqué. Être chic c'est pas l'échec. Et qu'est-ce tu perds la tête. Mais au fait t'es. T'aimerais nous côtoyer. T'es sur la liste rouge. Sur la piste tu bouges. Mais t'as pas trop la louche. Ok ok t'as des louves. Mais t'as pas le level. T'as mis un LV. Putain. Et je sais pas d'avoir de la sape. De la sape ou bien de la marque. Je sais pas si tu remarques. Mais c'est évident qu'il faut du swag. Du swag. Baby. Du swag. Ça fait pas comme un spoil. Du swag. Ça prend des piges et des piges. Suffit pas d'avoir de la sable ou bien de la marque. Je sais pas si tu le remarques, mais c'est évident. Il faut du soir. Du soir, baby. Du soir, ça fait pas comme un spoil. Du soir, ça prend des piges et des piges. Personne ne nous stoppe, c'est chic shop. Un hip-hop qui te frappe ton style à l'odeur d'anti-pop. Je l'ai déjà dit, mon testé ne venez jamais. Toi t'arrives en poney, moi je repars en fumant. Une pour ma masse de clichés, la famille Tuna. Zim Zema, encore un son de sonar. Tu te prends la tête avec ton survet zardine dans la tête. C'est dans le sang la tech. Même quand jardine sans la selle. Je t'ai pas d'enlacé. J'ai toujours un padio dans l'assiette. T'aimerais enlacer. Mais ce soir le physio t'a rappelé. Je sais pas d'avoir de la sape ou bien de la marque. Je sais pas si tu remarques, mais c'est évident qu'il faut du swag. Du swag. Baby. Du swag. Ça fait pas comme un spoil. Du swag. Ça prend des piges et des piges. Du swag. J'ai décidé. Suffit pas d'avoir de la sape ou bien de la marque. Je sais pas si tu remarques, mais c'est évident. De la sape ou bien de la marque. Je sais pas si tu remarques, mais c'est évident qu'il faut du swag. Du swag, baby. Du swag. Ça fait pas comme un spoil. Du swag. Ça prend des piges et des piges. Du swag. J'ai des décennies. Dimanche soir, minuit, une heure, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. C'est un moment, si tu me croises un bouquet, tu donnes un pas à gogo. T'as mal à la tête, t'as mal au chiro, c'est rien. C'est le métier qui rentre Jano. On a de la neige, ça vient pas du Kilimanjaro. T'as mis des Weston pieds nus, mais du Hazaro. Les rages qu'il crève, où je crèche, y'a la jet set lyonnaise, vent en plein ville de Guedin. Pas de différence entre Schmitt et Parrain. Les rats sont sortis, un mélange dans la bouteille. On est accueillis comme l'école blanc, Fouquet, Fouquet. On veut un paquet, un gros pif, soit attentif, c'est chiant. Ouais, chicha, argent facile, grâce au fichal. J'ai les home jacking, demande aux Suisses dans les faits divers. Une bavure classique sans suite, lourde et la détienne, style Frenchy. Jette un oeil sur ton pli, c'est ta fraîche nuit. Sans parking diabolique, des mecs qui alimentent le buzz. Tu dernier rien à dormir ce soir. Viens, je t'emmène en bas la vie. déjà, ouais. Marre de la dette, ah ouais. J'ai du mal à dormir ce soir. Frère, je t'emmène en bas la vie au Marrakech, ah ouais. Marre de la dette, ah ouais. DJ Case, DJ Case.